Le comte de Monte Cristo. Alexandre Dumas. Chapitre 62. Les fantômes. À première vue, et examiné du dehors, rien de ce qu'on pouvait attendre d'une habitation destinée au magnifique comte de Monte Cristo. Mais cette simplicité tenait à la volonté du maître, qui avait positivement ordonné que rien ne fût changé à l'extérieur. Il n'était besoin pour s'en convaincre que de considérer l'intérieur. En effet, à peine la porte était-elle ouverte que le spectacle changeait. M. Bertuccio s'était surpassé lui-même pour le goût des ameublements et la rapidité de l'exécution, comme autrefois le duc Tantin avait fait abattre en une nuit une allée d'arbres qui gênait le regard de Louis XIV. De même, en 3 jours, M. Bertuccio avait fait planter une cour entièrement nue, de beaux peupliers. Les sycomores venus avec leurs blocs énormes de racines ombrageaient la façade principale de la maison, devant laquelle, au lieu de pavés à moitié cachés par l'herbe, s'étendait une pelouse de gazon, dont les plaques avaient été posées le matin même et qui formaient un vaste tapis où perlait encore l'eau dont on l'avait arrosée. Au reste, les ordres venaient du comte. Lui-même avait remis à Bertuccio un plan où étaient indiqués le nombre et la place des arbres qui devaient être plantés, la forme et l'espace de la pelouse qui devait succéder au pavé. Vu ainsi, la maison était devenue méconnaissable et Bertuccio, lui-même, protestait qu'il ne la reconnaissait plus, emboîtée qu'elle était dans son cadre de verdure. L'intendant n'eût pas été fâché, tandis qu'il y était, de faire subir quelques transformations au jardin, mais le comte avait positivement défendu qu'on n'y touchât en rien. Bertuccio s'en dédommagea en encombrant de fleurs les antichambres, les escaliers et les cheminées, ce qui annonçait l'extrême habileté de l'intendant et la profonde science du maître. L'un pour servir, l'autre pour se faire servir, c'est que cette maison, déjà depuis 20 années, si sombre et si triste encore la veille, tout imprégnée qu'elle était de cette fadeur qu'on pourrait appeler l'odeur du temps, avait pris en un jour, avec l'aspect de la vie, les parfums que préférait le maître et jusqu'au degré de son jour favori. C'est que le comte, en arrivant, avait là sous sa main 6 livres et ses armes. Sous ses yeux, ses tableaux préférés. Dans les antichambres, les chiens dont il aimait les caresses, les oiseaux dont il aimait le chant. C'est que toute cette maison réveillée de son long sommeil, comme le palais de la Belle au bois dormant, vivait, chantait, s'épanouissait pareil à ces maisons que nous avons depuis longtemps chéries, et dans lesquelles, lorsque par malheur nous les quittons, nous laissons involontairement une partie de notre âme. Des domestiques allaient et venaient joyeux dans cette belle cour, les uns, possesseurs des cuisines et glissant comme s'ils eussent toujours habité cette maison dans des escaliers restaurés de la veille, les autres peuplant les remises où les équipages, numérotés et casés, semblaient installés depuis 50 ans. Et les écuries où les chevaux aux râteliers répondaient en hennissant aux palefreniers qui leur parlaient avec infiniment plus de respect que beaucoup de domestiques ne parlent à leur maître. La bibliothèque était disposée sur 2 corps, aux 2 côtés de la muraille, et contenait 2000 volumes à peu près. Tout un compartiment était destiné aux romans modernes, et celui qui avait paru la veille était déjà rangé à sa place, se pavanant dans sa reliure rouge et or. De l'autre côté de la maison, faisant pendant à la bibliothèque, il y avait la serre, garnie de plantes rares, et s'épanouissant dans de larges potiches japonaises, et au milieu de la serre, merveille à la fois des yeux et de l'odorat, un billard que l'on eût dit abandonné depuis 1 heure ou plus par les joueurs, qui avaient laissé mourir les billes sur le tapis. Une seule chambre avait été respectée par le magnifique Bertuccio. Devant cette chambre, située à l'angle gauche du 1er étage, à laquelle on pouvait monter par le grand escalier et dont on pouvait sortir par l'escalier dérobé, les domestiques passaient avec curiosité et Bertuccio avec terreur. À 5 heures précises, le comte arriva, suivi d'Ali, devant la maison d'Auteuil. Bertuccio attendait cette arrivée avec une impatience mêlée d'inquiétude. Il espérait quelques compliments, tout en redoutant un froncement de sourcils. Monte Cristo descendit dans la cour, parcourut toute la maison et fit le tour du jardin, silencieux et sans donner le moindre signe d'approbation ni de mécontentement. Seulement, en entrant dans sa chambre à coucher située du côté opposé à la chambre fermée, il étendit la main vers le tiroir d'un petit meuble en bois de rose qu'il avait déjà distingué à son premier voyage. « Cela ne peut servir qu'à mettre des gants, » dit-il. « En effet, Excellence, » répondit Bertuccio ravi, « ouvrez et vous y trouverez des gants. » Dans les autres meubles, le comte trouva encore ce qu'il comptait y trouver, flacons, cigares, bijoux. « Bien, » dit-il encore. Et M. Bertuccio se retira l'âme ravie, tant était grande, puissante et réelle l'influence de cet homme sur tout ce qui l'entourait. À 6 heures précises, on entendit piétiner un cheval devant la porte d'entrée. C'était notre capitaine des Safies qui arrivait sur Médéa. Monte Cristo l'attendait sur le perron, le sourire aux lèvres. « Me voilà le premier, j'en suis bien sûr !» lui cria Morel. « Je l'ai fait exprès pour vous avoir un instant à moi seul, avant tout le monde. Julie et Emmanuel vous disent des millions de choses. Ah mais, savez-vous que c'est magnifique ici ? Dites-moi, comte, est-ce que vos gens auront bien soin de mon cheval ?»« Soyez tranquille, mon cher Maximilien, ils s'y connaissent. »« C'est que il a besoin d'être bouchonné. » Si vous saviez de quel train il a été, une véritable trombe. Peste, je le crois bien, un cheval de 5 000 francs, dit Monte Cristo du ton qu'un père mettrait à parler à son fils. Vous les regrettez? Dit Morel avec son franc sourire. Moi? Dieu m'en préserve, répondit le comte. Non, je regretterais seulement que le cheval ne fût pas bon. Il est si bon, mon cher comte, que monsieur de Château-Renaud, l'homme le plus connaisseur de France, et monsieur Debray, qui monte les arabes du ministère, courent après moi en ce moment et sont un peu distancés, comme vous voyez. Et encore, sont-ils talonnés par les chevaux de la baronne d'Anglars, qui vont d'un trot à faire tout bonnement leur silhue à l'heure. « Alors ils vous suivent ?» demanda Monte Cristo. « Tenez les voilà. » En effet, au moment même, un coupé à l'attelage tout fumant et 2 chevaux de selle hors d'haleine arrivèrent devant la grille de la maison qui s'ouvrit devant eux. Aussitôt, le coupé décrivit son cercle et vint s'arrêter au perron, suivi de 2 cavaliers. En un instant, Debray mit pied à terre et se trouva à la portière. Il offrit sa main à la baronne, qui lui fit en descendant un geste imperceptible pour tout autre que pour Monte Cristo. Mais le comte ne perdait rien, et dans ce geste, il vit reluire un petit billet blanc aussi imperceptible que le geste, qui passa avec une aisance qui indiquait l'habitude de cette manœuvre, de la main de Madame Danglars dans celle du secrétaire du ministre. Derrière sa femme descendit le banquier, pâle comme s'il fût sorti du sépulcre au lieu de sortir de son coupé. Madame Danglars jeta autour d'elle un regard rapide et investigateur que Monte Cristo seul put comprendre et dans lequel elle embrassa la cour, le péristyle, la façade de la maison. Puis, réprimant une légère émotion qui se fût certes traduite sur son visage s'il eût été permis à son visage de pâlir, elle monta le perron tout en disant à Morel. « Monsieur, si vous étiez un de mes amis, je vous demanderais si votre cheval est à vendre. » Morel fit un sourire qui ressemblait fort à une grimace et se retourna vers Monte Cristo, comme pour le prier de le tirer de l'embarras où il se trouvait. Le comte le comprit. « Ah, madame, répondit-il, pourquoi n'est-ce point à moi que cette demande s'adresse ?»« Avec vous, monsieur, dit la baronne, on a le droit de ne rien désirer, car on est trop sûr d'obtenir. » Aussi était-ce à M. Morel. Malheureusement, reprit le comte, je suis témoin que M. Morel ne peut pas céder son cheval, son honneur étant engagé à ce qu'il le garde. Comment cela? Il a parié dompter Médéa dans l'espace de 6 mois. Vous comprenez maintenant, baronne, que s'il s'en défaisait avant le terme fixé par le pari, non seulement il le perdrait, mais encore on dirait qu'il a eu peur. Et un capitaine de sa fille, même pour passer un caprice à une jolie femme, ce qui est à mon avis une des choses les plus sacrées de ce monde, ne peut laisser courir un pareil bruit. « Vous voyez, madame, » dit Morel, tout en adressant à Monte Cristo un sourire reconnaissant. « Il me semble d'ailleurs, » dit Danglars avec un ton bourru, mal déguisé par son sourire épais, « que vous en avez assez comme cela de chevaux. » Ce n'était pas l'habitude de Madame Danglars de laisser passer une pareille attaque sans y riposter, et cependant, au grand étonnement des jeunes gens, elle fit semblant de ne pas entendre et ne répondit rien. Monte Cristo souriait à ce silence, qui dénonçait une humilité inaccoutumée, tout en montrant à la baronne 2 immenses pots de porcelaine de Chine sur lesquels serpentaient des végétations marines d'une grosseur et d'un travail tel que la nature seule peut avoir cette richesse, cette sève et cet esprit. La baronne était émerveillée. Eh, mais on planterait là-dedans un marronnier des Tuileries, dit-elle. Comment donc a-t-on jamais pu faire cuire de pareille énormité ? Ah, madame, dit Monte Cristo, il ne faut pas nous demander cela à nous autres faiseurs de statuettes et de vertes mousselines. C'est un travail d'un autre âge, une espèce d'œuvre des génies de la terre et de la mer. Comment cela ? Et de quelle époque cela peut-il être ? Je ne sais pas. Seulement, j'ai ouï dire qu'un empereur de la Chine avait fait construire un four exprès, que dans ce four, les uns après les autres, on avait fait cuire 12 pots pareils à ceux-ci. 2 se brisèrent sous l'ardeur du feu. On descendit les 10 autres à 300 brasses au fond de la mer. La mer, qui savait ce que l'on demandait d'elle, jeta sur eux ses lianes, tordit ses coraux, incrusta ses coquilles, le tout fut cimenté par 200 années sous ses profondeurs inouïes, car une révolution emporta l'empereur qui avait voulu faire cet essai et ne laissa que le procès-verbal qui constatait la cuisson des vases et leur descente au fond de la mer. Au bout de 200 ans, on retrouva le procès-verbal et l'on songea à retirer les vases. Les plongeurs allèrent, sous des machines faites exprès, à la découverte dans la baie où on les avait jetés. Mais sur les 10, on n'en retrouva plus que 3. Les autres avaient été dispersés et brisés par les flots. J'aime ces vases, au fond desquels je me figure parfois que des monstres informes, effrayants, mystérieux, et pareils à ceux que voient les seuls plongeurs, ont fixé avec étonnement leur regard terne et froid, et dans lesquels ont dormi des myriades de poissons qui s'y réfugient pour fuir la poursuite de leurs ennemis. Pendant ce temps, Danglars, peu amateur de curiosité, arrachait machinalement et l'une après l'autre les fleurs d'un magnifique oranger. Quand il eut fini avec l'oranger, il s'adressa à un cactus. Mais alors le cactus, d'un caractère moins facile que l'oranger, le piqua outrageusement. Alors il tressaillit et se frotta les yeux comme s'il sortait d'un songe. « Monsieur, lui dit Monte Cristo en souriant, vous qui êtes amateur de tableaux et qui avez de si magnifiques choses, je ne vous recommande pas les miens. Cependant, voici 2 Oberma, un Paul Potter, un Miris, 2 Gérardo, un Raphaël, un Van Dyck, un Surbaran et 2 ou 3 Murillo, qui sont dignes de vous être présentés. Tiens, dit Debray, voici un Obéma que je reconnais. Ah, vraiment? Oui, on est venu le proposer au musée. Qui n'en a pas, je crois, hasarda Monte Cristo. Non, et qui cependant a refusé de l'acheter. Pourquoi cela? Demanda Château Renaud. Vous êtes charmant, vous, parce que le gouvernement n'est pas assez riche. Ah, pardon, dit Château Renaud. J'entends dire cependant de ces choses-là tous les jours depuis 8 ans, et je ne puis pas encore m'y habituer. Cela viendra, dit Debray. Je ne crois pas, répondit Château Renaud. Monsieur le major Bartolomeo Cavalcanti, monsieur le vicomte Andrea Cavalcanti, annonça Battistin. Un col de satin noir sortant des mains du fabricant, une barbe fraîche, des moustaches grises, l'œil assuré, un habit de major orné de 3 plaques et de 5 croix, en somme une tenue irréprochable de vieux soldat, tel apparut le major Bartolomeo Cavalcanti, ce tendre père que nous connaissons. Près de lui, couvert d'habits tout flambant neufs, s'avançait le sourire sur les lèvres, le vicomte Andrea Cavalcanti, ce respectueux fils que nous connaissons encore. Les 3 jeunes gens causaient ensemble. Leurs regards se portaient du père au fils et s'arrêtèrent tout naturellement plus longtemps sur ce dernier qu'ils détaillèrent. Cavalcanti, dit Debray. Un beau nom, fit Morel, peste. Oui, dit Château Renaud, c'est vrai. Ces Italiens se nomment bien, mais ils s'habillent mal. C'est difficile, Château Renaud, après Debray. Ces habits sont d'un excellent faiseur et tout neufs. Voilà justement ce que je leur reproche. Ce monsieur a l'air de s'habiller aujourd'hui pour la première fois. Qu'est-ce que ces messieurs ? Demanda Danglars au comte de Monte Cristo. Vous avez entendu, des Cavalcanti. Cela m'apprend leur nom, voilà tout. Ah, c'est vrai, vous n'êtes pas au courant de nos noblesses d'Italie. Qui dit Cavalcanti dit race de princes. Belle fortune ? Demanda le banquier. Fabuleuse. Que font-ils ? Moi, ils essaient de la manger sans pouvoir en venir à bout. Ils ont d'ailleurs des crédits sur vous, à ce qu'ils m'ont dit, en venant me voir avant-hier. Je les ai même invités à votre attention. Je vous les présenterai. Mais il me semble qu'ils parlent très purement le français, dit Danglars. Le fils a été élevé dans un collège du Midi à Marseille, ou dans les environs, je crois. Vous le trouverez dans l'enthousiasme. De quoi ? Demanda la baronne. Des Françaises, madame. Il veut absolument prendre femme à Paris. Une belle idée qu'il a, dit Danglars en haussant les épaules. Madame Danglars regarda son mari avec une expression qui, dans tout autre moment, eût présagé un orage. Mais pour la seconde fois, elle se tut. Le baron paraît bien sombre aujourd'hui, dit Monte Cristo à Madame Danglars. Est-ce qu'on voudrait le faire ministre par hasard? Non, pas encore que je sache. Je crois plutôt qu'il aura joué à la bourse, qu'il aura perdu et qu'il ne sait à qui s'en prendre. Monsieur et Madame de Villefort, cria Baptistin. Les deux personnes annoncées entrèrent. Monsieur de Villefort, malgré sa puissance sur lui-même, était visiblement ému. En touchant sa main, Monte Cristo sentit qu'elle tremblait. Décidément, il n'y a que les femmes pour savoir dissimuler, se dit Monte Cristo à lui-même, et en regardant Madame Danglars qui sourit au procureur du roi et qui embrassait sa femme. Après les premiers compliments, le comte vit Bertuccio qui, occupé jusque-là du côté de l'office, se glissait dans un petit salon attenant à celui dans lequel on se trouvait. Il alla à lui. « Que voulez-vous, monsieur Bertuccio ?» lui dit-il. « Son Excellence ne m'a pas dit le nombre de ses convives. »« Ah, c'est vrai. Combien de couverts ?»« Comptez-vous-même. Tout le monde est-il arrivé, Excellence ?»« Oui. » Bertuccio glissa son regard à travers la porte entrebâillée. Monte Cristo le couvait des yeux. « Ah, mon Dieu !» s'écria-t-il. « Quoi donc ?» demanda le comte. « Cette femme !»« Cette femme !»« Laquelle ?»« Oh, celle qui a une robe blanche et de faux diamants. La blonde !» Madame Danglars ? Oh, je ne sais pas comment on la nomme, mais c'est elle, monsieur, c'est elle. Qui, elle ? La femme du jardin, celle qui était enceinte, celle qui se promenait en attendant. Bertuccio demeura la bouche ouverte, pâle et les cheveux hérissés. En attendant qui ? Bertuccio, sans répondre, montra Villefort du doigt, à peu près du même geste dont Macbeth montra Banquo. Oh ! « Oh » murmura-t-il enfin. « Voyez-vous ? » ?»« Quoi ? Qui ? Lui ? » ?»« Lui ? Monsieur le procureur du roi de Villefort ?»« Sans doute que je le vois. »« Mais je ne l'ai donc pas tué ?»« Ah ça ! Je crois que vous devenez fou, mon brave Bertuccio, » dit le comte. « Mais il n'est donc pas mort ?»« Eh non, il n'est pas mort, vous le voyez bien. Au lieu de le frapper entre la 6e et la 7e côte gauche, » comme c'est la coutume de vos compatriotes, vous aurez frappé plus haut ou plus bas, et ces gens de justice, ça vous a l'âme chevillée dans le corps. Ou bien, plutôt, rien de ce que vous m'avez raconté n'est vrai, c'est un rêve de votre imagination, une hallucination de votre esprit. Vous vous serez endormi ayant mal digéré votre vengeance, elle vous aura pesé sur l'estomac. Vous aurez eu le cauchemar, voilà tout. Voyons, rappelez votre calme et comptez. Monsieur et Madame de Villefort, 2. Monsieur et Madame Danglars, 4. Monsieur de Château-Renaud, Monsieur Debray, Monsieur Morel, 7. Monsieur le Major Bartolomeo Cavalcanti, 8. 8, répéta Bertuccio. Attendez donc. Vous êtes bien pressé de vous en aller, que diable. Vous oubliez un de mes convives. Appuyez un peu sur la gauche, tenez. Monsieur Andrea Cavalcanti, ce jeune homme en habit noir qui regarde la Vierge de Murillo, qui se retourne. Cette fois, Bertuccio commença à un cri que le regard de Monte Cristo éteignit sur ses lèvres. « Benedetto » murmura-t-il tout bas. « Oh, fatalité !»« Voilà 6h30 qui sonne, monsieur Bertuccio, » dit sévèrement le comte. « C'est l'heure où j'ai donné l'ordre qu'on se mit à table. Vous savez que je n'aime point à attendre. » Et Monte Cristo entra dans le salon où l'attendaient ses convives, tandis que Bertuccio regagnait la salle à manger en s'appuyant contre les murailles. 5 minutes après, les deux portes du salon s'ouvrirent. Bertuccio parut, et faisant comme Vatel à Chantilly, un dernier et héroïque effort. « Monsieur le comte est servi, » dit-il. Monte Cristo offrit le bras à Madame de Villefort. « Monsieur de Villefort, » dit-il, « faites-vous le cavalier de Madame la baronne Danglars, je vous prie. » Villefort obéit, et l'on passa dans la salle à manger.